and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes dans une forme olympique ce soir, ça s'entend pour moi, en tout cas c'est mon cas. On va passer une demi-heure de musique ensemble pour un inédit de Music and the City. Et au programme, deux artistes qui ont cartonné avec un seul tube et que l'on n'a plus jamais revu, mais qu'on n'a pas oublié, c'est pour ça que j'en parle ce soir. Également le leader d'un groupe allemand qui revient avec un projet solo. Et également un remix d'une diva à la voix cristalline, mais ça, je vous en parle plus tard. Non, on va déjà commencer avec une chanson extraordinaire. La semaine passée, vous avez découvert ou peut-être redécouvert le groupe Inaïche et son puissant son rock. Et ben ce soir, je garde le même groupe, mais avec un titre un peu plus poignant. Un texte, mais un texte qui prend vraiment aux tripes, qui d'ailleurs a un sens évident, qui nous laisse à réfléchir sur la condition humaine, le temps qui passe. Enfin ouais. On écoute ça, ça s'appelle La Pendule de Inaïche et c'est tout de suite dans Music and the City. Aujourd'hui, je me sens comme une vieille pendule, envie d'arrêter le temps qui jamais ne capitule, comme des croque-morts dans chacune de mes cellules. Je les sens qui me manipulent. Refaisant chaque jour cette triste traversée. Ma vie est un cadran qui me tient prisonnier. Oh, je crois. Let's go. Music in the City sur Fadjet. Au milieu des années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté d'un phénomène musical qui venait d'Allemagne, les Tokyo Hotel. Bill et sa bande étaient le groupe le plus en vogue du moment. Et mais non, je ne vais pas vous parler de ce groupe-là en particulier, ça servira à rien. Non, je vais m'attarder sur les concurrents directs des Tokyo Hotel. C'était les Cinémas Bizarres. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de ce groupe qui avait connu un petit succès en France avec la chanson Love Songs, They Kill Me? C'était en 2008. Bon, je vous reparlerai du groupe un peu plus tard dans une autre émission. Ce soir, la personne surtout à l'honneur est l'ex-leader de ce groupe, qui s'appelle Jack Strafey. Un look androgyne. Un peu difficile de passer à côté de ce personnage qui tire son inspiration musicale et physique d'ailleurs des artistes les plus emblématiques de nos années 80 chéries, comme par exemple Freddie Mercury, Elton John ou encore le summum du summum David Bowie. En 2014, l'artiste Jack Strafey propose un premier projet solo intitulé Illusions et sans maison de disque, va demander aux internautes un financement participatif pour faire naître son album. C'est un véritable succès, j'y ai moi-même contribué et l'album Illusion est né en 2014. Un disque original teinté d'une bonne touche 80s et c'est à découvrir dès maintenant avec le titre Burn Fear, sans doute le plus intéressant de tout l'album. Et pour info d'ailleurs, sachez que ce disque-là est mon album préféré, tout artiste confondu, voilà, c'est dit. Sleep. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Lorsque sa chanson « Dernière danse » est parue sur nos ondes, elle était pressentie pour devenir la nouvelle Najwa Belizel. Timbre de voix très ressemblant sur un fond musical mélangeant variété française et pop musique, Indila a tout de suite conquis le cœur des Français et la chanson même comptabilise plus de 418 millions de vues sur YouTube. Incroyable ce chiffre pour un artiste francophone. Trois autres titres seront extraits de l'album Mini World qui est paru en 2014 et qui lui ont même valu une victoire de la musique. Mais depuis ce succès, peut-être un peu inattendu, la jeune femme a tout bonnement disparu du paysage médiatique. Un petit peu à l'instar de sa concurrente directe citée plus haut, Najwa Belizel justement. Ce qui est fortement regrettable pour l'une comme pour l'autre, puisque chacune des deux artistes ayant une fanbase très importante sur les réseaux sociaux, et toutes deux à leur actif des succès commerciaux qui ont été salués non seulement par la critique mais par le public. Alors on espère quand même un retour pour chacune d'elles, mais en attendant, et ben une dernière danse avec Indila sur Fadjet, Music in the City bien sûr, jusqu'à 20h. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Music on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. autre artiste ayant disparu juste après un seul titre, la chanteuse Sman. Qui se souvient de ce nom ? Très peu, effectivement. Mais la chanson, par contre, vous vous en souvenez, ça s'appelait « J'ai tout imaginé » et cette chanson avait eu un bon petit succès en 2004. Après, si on analyse un petit peu l'univers de l'artiste, on peut comprendre pourquoi la sauce n'a pas vraiment pris à cette époque. Style R&B, genre R&B de rue, mélangeant la fin des années 90 avec un petit peu de hip-hop années 90, on était déjà passé à autre chose en 2004 avec notamment l'ascension des musiques un peu plus électroniques. C'est dommage parce que le titre était bien et l'album n'était pas mauvais non plus. J'ai tout imaginé est une très bonne chanson qui nous parle de l'amour d'une jeune fille qui va faire plein d'efforts pour garder son chéri auprès d'elle, mais évidemment en vain, comme dans toutes les chansons d'amour, ou presque. Alors replongeons-nous en 2004 avec ce titre. C'est pas une exclusivité, mais ça fait toujours plaisir de réentendre des chansons qu'on a connues et qu'on a aimées quand on était adolescent, comme moi. J'ai tout imaginé. J'ai tout imaginé pour toi. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Les semaines qui me rapprochent du concert parisien de Lara Fabian se réduisent de plus en plus comme neige au soleil et je sens monter en moi cette excitation de la découvrir sur scène. Ce sera d'ailleurs une première, je ne l'ai jamais vue sur une scène. J'espère que je vais passer un moment unique et je vous raconterai ce moment. Mais je vais parler surtout de son album, le dernier, Camouflage, qui profite actuellement d'un succès correct. D'ailleurs, la diva a déjà proposé plusieurs titres pour promouvoir ce dernier bébé, et ma préférée serait Choose What You Love Most, une jolie ballade d'amour. Enfin, ça, c'était ma préférée jusqu'à ce que je découvre un remix officiel par Tomer J du titre Chameleon, qui est aussi dans l'album. Alors là, on peut dire qu'il a totalement transformé le titre original. Il n'y a plus rien à voir entre la première version et la version finalisée. Sortez vos plus jolies chaussures de danse, c'est le moment de se bouger un petit peu à la maison avec mon coup de cœur du moment, Chameleon de Lara Fabian, Tomer J Remix. C'est pas de l'exclusivité encore une fois, mais ça envoie du lourd. C'est cadeau. We can be good. Music in the City sur Fadjet. Avouez que vous n'avez jamais entendu du Lara Fabian dans ce type de musique, dans ce type de version remixée. C'est juste génial. Merci en tout cas à Tomer J pour ce super remix. Moi je vous dis à la semaine prochaine parce que l'émission est déjà terminée, 5 titres, 5 chansons, hein, vous venez d'entendre les 5. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours à 19h30 chaque lundi pour Music and the City et bien évidemment la rediffusion le samedi à 18h30. Sans oublier, parce qu'effectivement il y en a un Facebook aussi qui est mis à jour très régulièrement, donc Fadjet-Music and the City sur Facebook où vous pourrez retrouver notamment les clips des chansons que vous venez d'entendre. Passez une très bonne semaine, surtout écoutez de la musique et à plus, ciao.